Ce que disaient les étoiles, par Pierre Roseguer. Naturaliste et poète s'accordent à dire que les étoiles paraissent plus brillantes dans les pays de forêt qu'ailleurs. C'est un effet de la pureté et de l'humidité de l'air, disent les premiers. Les seconds prétendent que le ciel brille d'un éclat plus pur et plus doux sur ces solitudes, parce que les hommes qui les habitent sont simples et croyants. Un soir, que j'étais assis près de mon père, sur le petit banc de bois, sous le sapin, il me dit « Tu es mon cher enfant. Maintenant, regarde le ciel, les yeux de Dieu nous voient de là-haut. Le Dieu qui compte les cheveux de nos têtes doit certainement posséder des centaines de milliers d'yeux, cela va de soi. Et j'étais heureux de voir les yeux du bon Dieu me regarder en clignotant, comme s'il avait voulu me donner à entendre quelque chose. Mais je ne pus deviner ce qu'il me disait, et je résolus seulement d'être très sage et obéissant, surtout la nuit, quand le bon Dieu ouvre ses 100 000 yeux, compte les bons enfants et les méchants, et les regarde bien, pour les reconnaître au jugement dernier. Une autre fois, j'étais assis sur le même banc à côté de ma mère. Il était tard et elle me dit « Tu es un très petit homme, et les petits hommes doivent se coucher à 7 heures. Vois, il fait tout sombre, et les anges allument déjà les cierges là-haut, dans la maison du bon Dieu. » Ces paroles n'étaient pas faites pour donner envie de dormir à un enfant. « Les cierges dans la maison du bon Dieu ? » répétai-je très intéressé. « Certainement. C'est l'heure où les saints reviennent de l'église, et dans la maison, il y a une grande table autour de laquelle ils s'asseyent tous pour souper, et les anges volent autour de la salle et allument les cierges, et aussi le grand lustre qui est au milieu. Et puis, ils vont prendre leur flûte et leur violon pour faire de la musique. « De la musique ? » dis-je, voyant en imagination tout le tableau. « Et Michel le quart d'heure y est-il aussi ?» Michel le quart d'heure était un vieil aveugle que les paysans de la forêt avaient nourri par charité et qui leur gardait de la laine. Il était mort quelques semaines avant cette causerie. « Oui, reprit ma mère, Michel est assis tout près du bon Dieu, et tous les saints l'honorent beaucoup parce qu'il a été si pauvre et si méprisé dans ce monde et qu'il a porté sa misère avec tant de patience. Et qu'il lui met son manger dans l'assiette. Qui veux-tu que ce soit si ce n'est son ange gardien ?» Mais elle se reprit aussitôt. « Que tu es sot. Michel n'a plus besoin d'aide maintenant. Au ciel, il n'est plus aveugle. Il voit son père et sa mère, qu'il n'a jamais vus sur la terre. Il voit le bon Dieu et la Sainte Vierge et tout le monde, et il nous voit aussi. Oui, Michel est très heureux maintenant. Il doit chanter et danser quand Saint David joue de la harpe. Danser, dis-je en examinant attentivement le firmament. Et maintenant, petit, va dormir. » J'objectais bien qu'au ciel on venait seulement d'allumer les cierges et que certainement on ne se couchait pas encore. Ma mère répliqua d'un ton décidé qu'au ciel on faisait ce qu'on voulait, qu'il me fallait être bien sage pour y aller et qu'alors je ferais aussi ce que je voudrais. J'allais me coucher et j'entendis cette nuit-là chanter les anges. Une autre fois encore, j'étais assis sur le banc de bois avec ma grand-mère. « Regarde, petit, » dit-elle en me montrant le ciel, juste au-dessus du toit de la maison, c'est ton étoile. » Une petite étoile, très claire, brillait souvent, et aussi ce soir-là, au-dessus du pignon, mais c'était la première fois que ma grand-mère me disait qu'elle était à moi. « Oui, » continua-t-elle, « chaque homme a une étoile au ciel, une étoile de bonheur ou de malheur, et quand l'homme meurt, son étoile tombe. » Juste à ce moment, je vis une étoile filante, et je fus tout effrayé. « Qui est mort maintenant ?» dis-je en regardant bien vite si ma petite étoile brillait encore au-dessus du toit. « Enfant, » dit l'aïeul, « le monde est grand, et nous entendrions sonner le glas jour et nuit, si nos oreilles pouvaient le percevoir. » Cela ne m'inquiéta pas beaucoup. L'enfant est si avide d'impressions et d'images nouvelles que ses questions sont inépuisables. Je continuai. « Grand-mère, où est ton étoile ?»« Mon enfant, elle est près de s'éteindre, on ne la voit plus. » « Et c'était une étoile de bonheur ?» Elle m'embrassa en disant « Je le pense, mon cher petit, je le pense. » Un vieux cordonnier qui parlait comme un païen venait parfois chez nous. Les hommes, disait-il, ne sont après leur mort ni au ciel ni en enfer, mais dans une étoile, où ils naissent comme sur la terre et recommencent une autre vie. Mais le fils du maître d'école disait des choses plus insensées encore. Il faisait ses études à la ville et il vint un jour nous voir. Il parla d'ours, de chiens, de serpents qui se promenaient dans le ciel, et aussi d'un bélier et d'une baleine. Il prétendait même qu'avec sa lunette, il avait vu une vierge. C'est à cause de ce fils de maître d'école que mon père ne voulait pas me laisser étudier. « Si on apprend la ville de pareilles bêtises, dit-il, et qu'on ne voit plus dans le ciel que des bêtes sauvages, j'en ai assez de cette science. Mon garçon restera à la maison. » Nous avions une jeune servante qui avait plus d'esprit. Elle dit un jour une chose qui me réchauffe le cœur encore aujourd'hui. Elle devait tenir cela de son vieux père nourricier, espèce de penseur rustique. Cet homme ne ressemblait pas à tout le monde. Il avait voulu se faire prêtre, mais il était trop pauvre, et tous les chemins lui étaient restés fermés. Alors, il s'était fait charbonnier. Souvent, je me suis caché pour l'écouter dire la messe, debout, sur sa pile à charbon, ou bien prier avec les oiseaux de la forêt, comme autrefois saint François. C'est de lui, sans doute, que venaient les paroles extraordinaires que la jeune servante nous répéta un soir. Le ciel étoilé est une immense lettre d'amour dont les mots sont d'or et d'argent. D'abord, Dieu l'a écrite aux hommes pour qu'ils pensent à lui. En second lieu, les hommes se l'écrivent entre eux. Quand ceux qui s'aiment sont obligés de se séparer, ils regardent bien une étoile brillante qu'ils pourront voir et reconnaître partout où ils seront et sur laquelle leurs yeux se rencontreront. La jeune fille ajouta plus bas, avec un peu d'hésitation, en montrant une étoile qui scintillait très haut au-dessus de la forêt. Celle qui brille là, Jacques, qui est soldat très loin d'ici, la regarde ce soir. Je sais qu'il n'oublie pas. Il n'y a pas d'étoile plus claire dans le ciel. Un soir, je fus envoyé assez tard à la lisière du bois pour faire paître les bœufs qui avaient travaillé pendant le jour. D'habitude, la bonne grand-mère m'accompagnait dans ses sorties tardives. Mais elle n'était pas bien depuis quelque temps et ne sortait pas. Elle m'avait promis pourtant de venir sous la porte de temps à autre et de siffler pour m'empêcher de prendre peur dans le silence de la nuit. Je me tenais un peu inquiet près de mes bœufs qui broutaient avidement l'herbe humide de rosée, mais je n'entendis aucun des joyeux coups de sifflet que grand-mère faisait si bien en mettant deux doigts dans sa bouche et qui lui servait habituellement à appeler nos poules. La maison restait silencieuse et triste. Du fond du ravin montait le murmure de l'eau que j'entendais pour la première fois en cet endroit. Les grillons, au contraire, se taisaient complètement. Le cri d'un hibou dans la forêt m'effraya si fort que je saisis un de mes bœufs par les cornes et ne le lâchai plus. Le ciel était étrangement solennel. Il me semblait entendre, dans ce grand silence, la harpe du saint chantre David. Tout à coup, une étoile filante traça dans le ciel un sillon argenté et disparut derrière la maison. J'en eus le cœur tellement saisi que je cessai de respirer pendant quelques secondes. « Grand-mère est morte, » dis-je à haute voix, quand je retrouvai le souffle. « C'était son étoile. » Je me mis à sangloter. À ce moment, j'entendis la voix de mon père qui me criait de faire entrer les bêtes au plus vite. Je me précipitai dans la cour. Toutes les fenêtres étaient éclairées. Tout le monde allait et venait de tous côtés. « Vite, Pierre, viens vite !» dit une voix, celle de grand-mère, qui se tenait sous la porte. J'entrai dans la maison et j'entendis les vagissements d'un petit enfant. « Tu as un petit frère, » dit grand-mère, « un ange l'a porté du ciel. » C'était vrai. Ma mère était dans son lit et tenait dans ses bras une toute mignonne créature. « Un ange du ciel, oui, je l'avais vu. »« Grand-mère, » dis-je, « ce n'est pas vrai que les étoiles tombent. Ce sont des anges qui descendent du ciel avec les petits enfants. » Cette fois, mes chers, encore aujourd'hui, devant le berceau où repose un merveilleux don des anges apporté du ciel pour moi. C'était ce que disaient les étoiles par Pierre Roseguerre.